2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Boum Bomo, musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM et www.prune.net. Ce soir, troisième émission de notre huitième saison. Après Natos la semaine dernière, c'est un autre, disons, presque habitué de Boum Bomo qui nous fait l'honneur de passer derrière les platines. C'est son deuxième passage. C'est un chineur et un dessinateur originaire de Poitiers. Je parle évidemment de Kiki Fruit et de son label Astral Soda, sur laquelle j'ai eu la chance de sortir un mix italo sur cassette l'été dernier. Kiki Fruit, qui adore explorer à travers ses mix des thèmes dans la musique française. Après l'Asie sensuelle et mystérieuse pour son premier passage, c'était en décembre 2020, il compile aujourd'hui des morceaux de différents styles sur le thème de la délinquance et des faits divers. Kiki Fruit, le label Astral Soda, représenté ce soir dans Boum Bomo. Bonne écoute! Saison suis sur les pavés sous la pluie. Elle s'arrête devant ce bar où elle vient presque chaque soir. Elle parle au mec sur le trottoir et puis bonsoir. Une vitrine bizarre. La pluie sans cire qui brille, bas noir et talons aiguilles. Elle allume une cigarette, il est minuit 27. Moi derrière mon réverbère, je me demande bien de quoi je l'ai. Bien que je l'ai perdu. Non, ça y est, je la revois. Faut que j'accélère le pas. La voilà qui s'arrête. Elle a tourné la tête. Mais qu'est-ce que je peux bien lui dire, sinon que j'aime son sourire. En chacal, on voyait briller ses seins nus. Elle était belle comme une Rolls-Royce. Elle avait juste au coin de la bouche un petit sourire féroce. Et en guise d'yeux deux mitraillettes qu'elle gardait pointées sur les mecs. Blanche-Neige, revue série noire, la main du business sous le gant de chrome, tenant Mac et Flic au fil du rasoir. Elle était dure comme le diamant. Elle était la reine de la cam, comme d'autres sont reines d'Angleterre et d'autres belles au bois dormant. Assiette trempée. destin parfois prend de drôles de visages, comme celui de ce gosse dans un bar pas très cool, fiancé de la mort, paumé dans ses nuages, des yeux d'ange accrochés à faire chialer les foules. Mary lui ouvrit son palais et la neige se mit à fondre, mais avec l'ange entra la mort qui invisible le suivait, collé à lui comme son ombre. Que l'affaire se complique. Le gosse avait les flics au cul. Une nuit chez Mary rapplique. Lui lâche le morceau, pris de panique. Et pour la princesse, c'est foutu. Elle avise les bourgs devant la porte de la brasserie où elle opère. Et aussi sait qu'elle a le feeling qu'ils sont pas là pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et c'est comme ça que dans les vestiaires, un peu plus tard dans la soirée, on a retrouvé Blady la fière, prisonnière d'une petite bulle d'air, fixée là pour l'éternité. secoue-toi, Joe. Hop. Ni radio ni TV, c'est pas du tout ça. Tiens, elle était si belle, le cœur si pur et blanc. Chaque nuit, elle avait son prix. Elle dit, je sens, Joe, que ta chaleur me prend. Sa passion est ma folie. Elle dit, babe, tu sais, mes amis me manquent. Elle pense à Jack, Joe et Jill. Je suis seul aussi, mais je comprends. Son univers est si fragile. Elle est repartie et je reste là. Sous la lune, je fume encore. Des poses spéciales, elle en connaît, tu vois. Elle s'évade en te jetant son corps. Et elle nous chante. C'est clair, monsieur le commissaire. Et toi, tu veux m'acheter un peu de ça? As-tu jamais senti un rap pareil, Jack? Alors trouve le rythme à battre. On est tombé sur Jill jouer son frère Mark. Et puis il avant de débrancher. Il chie ici, il vend tabac. Mais t'en peux plus, tu tailles les poignets. Le fond de cette histoire, cher commissaire, même si vous pensez différemment, c'est que la neige qui ne tombe pas qu'en hiver fait la cour à tous les enfants, c'est une fable pour enfants. Ne te retourne pas, oh oh oh. Le commissaire te voit, oh oh oh. Il va t'embarquer, tu sais pourquoi, la joie de vivre te perd. Ne te retourne pas, oh oh oh. Le commissaire. La couleur de la croûte. lame, noir le couteau. La voix qui dit encore, sur Pigalle la blanche fait rouler ses gouttes d'or. La mémoire des bistrots, les blousons des trappes, la mort dans son linceul, comme un coup de flingue, une baffe dans la gueule. And tell me why I don't know. Why I'm born in ghetto. Why I don't know. Le noir pour une blanche, c'est inscrit dans le tempo. La peur qui vous rassure. Why le boulevard sous la bavure. Why la morale et le nombre. Pigalle devient blanche quand les bronzés sont à l'ombre. Vers la lumière dorée. Vers l'épaisseur des forêts. Très loin de Babylone. Je veux repartir vers les tambours qui bastonnent. plasma sanguin et d'acide chlorhydrique s'est répandu dans un quartier résidentiel près de Lund, en Suède, endommageant une dizaine de maisons. Une cuve sous pression renfermant 10 000 litres de sang et de l'acide chlorhydrique a explosé dans une fabrique de protéines. Le liquide en fusion a formé un nuage rouge qui s'est déposé peu après sur le voisinage. Tout a été coloré en rouge, y compris les maisons, les jardins et les promeneurs dont une dizaine ont été incommodés. Raconte l'histoire du parking maudit où venaient rôder tous les soirs des filles pas très jolies, devenant belles dans le noir à la faveur de la nuit. Leurs clients étaient chics en habit, en smoking, propres sur eux sentant le fric et à l'abri du trafic. Ils ne demandaient qu'un câlin très rapide et pratique. Moi, mon métier, c'est flic. Je sais, je n'ai pas choisi. Et je suis chargé de l'enquête de ce parking maudit. J'arrive sur les lieux dans le noir un peu après minuit. Et je vois. Je reconnais les filles de ce parking maudit. Elles sont contractuelles le jour, mais gagnent leur vie la nuit. Je ne serai jamais commissaire, je n'ai rien vu, je fuis. Mais j'ai vu. Oh station service, c'était plus supportable. Les filles qui montraient leurs cuisses, rien que par vice dans les décapotables. Elles crachaient un billet mille en me demandant de vérifier l'huile. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Le jour où le vice-président du conseil est mort à l'arrière de sa DS, J'ai donné un coup sur le vitre fumé et j'ai consolé sa gonzesse. Elle m'a filé 100 000 livres en me demandant de ne jamais rien dire. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour faire du mal. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour faire du mal. J'ai plaqué mon job à la station service. J'suis plus rentré chez moi. J'crois pas ça l'ait rendu triste. Nous deux ça collait pas. Regardez-moi, j'ai plus de laisse. J'suis comme un pape au volant de ma caisse. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. De barbelés au bois de Boulogne cet été. On a trouvé dans une poubelle un enfant de 4 semaines. Un clochard en mal d'hydromel criait c'est Jésus, c'est Noël. On a trouvé. Objet trouvé. On a trouvé. Objet trouvé. On a trouvé une petite robe dans la voiture d'un monsieur snob qui jouait. Aux demoiselles, SOS aura l'appel. On a trouvé rue Saint-Denis un trafiquant de paradis faisant son beurre, vendant du foin dans un vieux tripot clandestin. On a trouvé. Objet trouvé. On a trouvé. Objet trouvé. On a trouvé une coccinelle dans l'œil d'un vieux sherpa qui croyait avoir des ailes pour voler sur l'Himalaya. On a trouvé une arme blanche dans le gilet d'un vieux mari qui depuis ce jour fait la planche. C'est son épouse qui a dit. On a trouvé. Objet trouvé. On a trouvé. Objet trouvé. On a trouvé dans une bouteille un homme qui pleurait dedans. Il rêvait d'un grand hôtel où il pourrait dormir géant. On l'a trouvé dans une poubelle. Objet trouvé. On dit trop d'un monsieur snob. Objet trouvé. On l'a trouvé dans une poubelle un homme qui dormait dedans. La petite robe d'un monsieur snob qui jouait aux demoiselles dans l'œil d'un vieux sherpa. On l'a trouvé dans une poubelle un enfant de 4 semaines. Chant en mal d'hydromel, crier c'est Jésus, c'est Noël. On a trouvé un chat trouvé, un trafiquant de paradis, une coccinelle. traverse. Une ombre dans la nuit et je cours sous l'averse. Dans ce quartier, pas de flic ni de taxi qui rôde. Danger s'aventurer toute seule dans les rues chaudes. Commissariat central, rien de spécial, affaire banale. Une fille paumée dans une impasse, et qui parle, et qui parle, et qui parle. Excusez-moi, mais vous voulez bien prévenir ma femme que je serai un peu en retard ce soir? Thank you. gourmandes font leurs emplettes. Les pépères ouvrent leurs impairs. Je deviens rouge quand je passe au vert. C'est la relève du matin, c'est leur creuse pour les petits câlins. C'est la relève du matin, ça tire soupir dans tous les coins. Et le bois de Boulogne est toujours plein. Détective privé, toutes les femmes qu'il suit, elle lui court après. Il est cool dans l'eau, tout le monde le connaît. Il passe tous les murs de New York City. Sa fenêtre est après, c'est une période noire. Le téléphone coupé, les mois loyers en retard. Tout le monde dans la poche, plus de crédit dans les bars. C'est quand ça tente plus, le boulot, ça fait rare. Il passe son temps au café à jouer des vidéos. Il fait plus rapport avant qu'un jour, il sera mal l'eau. Je suis une jolie fille, je m'appelle Bianca. Je vis dans le laser et j'aime les compétitions. Je passe mon temps à rêver des héros de l'hôtelé. C'est Papa Freddy Long qui m'a fait craquer. Détecte privé, toutes les femmes qu'il suit, elle lui court après. Il court après le cash, n'aime pas les bonnes manières. Vive avec son temps, mais oui, j'ai pas la pierre. Quand je suis entré, il sent que ça régnait. Il connaît la musique avec les belles coupes. Elles lui font les yeux doux et ne le paie jamais. Il ne veut pas perdre son temps à travailler sans blé. Avant que j'ouvre la bouche, il me jette sans prix. Du $100 la semaine, le fait sera pas compris. Je sors mes billets verts, t'es des bon mon affaire. Je viens de le trottoir et c'est une sale histoire. Daiko. au goût. Ça, c'est Louis, Papa Freddy, détective privé. Toutes les femmes qu'il suit, elle lui court après. Il est cool dans le rue, tout le monde le connaît. Il peint tous les murs de New York City. Il s'envoie un petit whisky et il sort dans un taxi. En France jusqu'au taxi, il y a une rapportie. Le rap au fond de fête, Papa Freddy enquête. Avec ses Adidas, sa casquette, la tête. L'affaire n'est pas facile, c'est une sale histoire. J'étais amoureux si je me fais avoir. De l'oser que j'ai caché, me reste les pauvres bois. Mon copain est vilain, m'a tiré le mégot. Et Louis, Papa Freddy, il cherche ce gigolo. Il est venu au Roxy pour jouer au plus malin. Il est détective privé, il fouine dans tous les coins. Il y en a plus pour longtemps que je crois qu'il le tient. Le mec est dans le patron, cette affaire martienne. Oh, je suis content, Papa Freddy va vite. Il a trouvé ma monnaie, le dit, j'ai changé de beat. Change de beat. Change de beat. J'allais cette nuit, j'ai soudain envie de m'éclater quelque part. Moi qui aimais tant l'aventure, tout à coup c'est dur. Là que j'hésite, j'ai peur du cafard. Je cherche un coin sensation, là où les frissons te prennent et te font tout oublier. Chaleur intense auquel on repense à chaque fois qu'on veut s'évader. Paris à chaud, Paris à chaud, dans n'importe où, Paris à chaud. Y'a de tout, tout pour tous les goûts, dans n'importe où, Paris à chaud. J'allais cette nuit, chez moi je m'ennuie. Je sens qu'il faut que j'aille m'évader. Me dégoter un endroit où la musique me réchauffe et t'invite à danser. Je sens besoin de chaleur, de musique au cœur, de chasser ces soucis qui me tuent. Paris est pourtant si grand, mais j'ai par moments comme une peur de rentrer déçu. Paris à chaud, Paris à chaud, dans n'importe où, Paris à chaud. Y'a de tout, tout pour tous les goûts, dans n'importe où, Paris à chaud. We'll be right back. Que la police viendra chez moi pour une sombre histoire de meurtre ou pour me fournir des yogourts à la myrtille, à moins que ce ne soit plutôt pour l'affaire de cette madame Muller. De rage, je jetterai mes chats par la fenêtre du 12e étage. Je rentrerai mes gosses dans le ventre de ma femme. Et je leur dirai: renseignez-vous à l'agence des amants de madame Muller. Messieurs de la police, je ne suis qu'un pauvre musicien. Je joue de la chasse d'eau dans un orchestre de free jazz. Vous êtes un peu barjot, mais je suis un peu naze. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Vous êtes fous? Non! Non! Arrêtez! Arrêtez! Ah! Ah! Ah! Arrêtez! Oui, c'est moi. Monsieur le commissaire, vous savez, c'est pas tous les jours facile de vivre en société quand on a un peu d'imagination. Monsieur le commissaire, j'ai ma névrose, mais monsieur le commissaire, qui n'a pas sa névrose? L'agence des amants de madame Muller. Je n'ai absolument aucun alibi. Ce soir-là, justement, j'étais sur un coup foireux. J'étais entré dans un bar tabac et j'avais demandé un paquet de cigarettes filtre et trois timbres à 100 balles pour poster des lettres à quelques amis. Elle est entrée à ce moment précis. regards se sont touchés intérieurement. J'ai craqué. J'ai collé mes trois timbres à 100 balles sur mon paquet de cigarettes filtre et j'ai fumé mes lettres. Des amants de Madame Muller. Monsieur le Président, cet insoupçonnable et somptueux inconnu était vêtu d'un sweater de couleur pastel et d'un jean taillé dans de la toile d'emballage de la manufacture des armes et sigles de Saint-Étienne. Quand nos regards se sont identifiés, j'ai simplement prononcé ces quelques mots. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui je hais. Elle m'a répondu, prends-moi. Alors je l'ai prise. Et nos corps se sont mélangés sur le bitume du trottoir, devant les yeux déchirés et hagards des badauds. À l'agence des amants de Madame Muller. Entre ces quatre murs, je ne sais vraiment pas quoi faire pour calmer mon ennui. Bien sûr, deux fois par jour, un infirmier entre dans ma cellule pour contrôler et poinçonner mon ticket. Mais pour me passer le temps, je n'ai guère que ce souvenir. Que ce souvenir. Que ce souvenir. Que ce souvenir. Ce souvenir.